rien n'est plus en noir, même pas tes délits. Y'a pas d'unanimité quand tu te proclames élu. Toi qui te crois droit, observe la balance. Fais le point, c'est toi qui fais le point, qui fait que ça penche. Il surligne ta vie, ton monde sans délicatesse. Pur comme l'absolu, le diable ne vogue de l'absolu quand il presse. S'il aide partout, est-ce que l'inverse se vérifie? Une bonne lore dans le fond, pas de vertu, c'est juste la survie. Les frères te disent tiens bon, malgré l'abolition, blanc et noir nous distinguons. Malgré les bavures, je les traite pas de fils de face. Je fais mes pas, conscient de ce qui se passe. Et tu fumais pas droit dans tes principes. Qu'est-ce qu'il en est quand on t'incite, hein? Cite en moi un nom de l'illicite qui est pas perdu sur cette planète. Déficit de franchise, ils s'affranchissent pour être honnête. N'est plus au noir. Je me situe des corps. Je fais mes pas conscient de ce qui se passe. Dans l'enfer, dans l'enfer, dans l'enfer, dans l'enfer. Blanc et noir nous distinguons. Je me situe des corps, on enflamme mieux la mer. La tempête gronde, on veut tous regagner terre. Le capitaine tient de main de faire son gouvernail. En fait, il se demande. Mais où faut que j'aille? Loin d'être serein, au contraire il divague. Entre bien et mal, on est tous dans le creux de la vague. Je joins les deux bouts, mais putain la terre est ronde. Saleté de conscience, trop de questions millions. À cause de toi, tous les thèmes j'écume. Ça va de est-ce qu'un jour j'aurai de l'influence jusqu'à ce fameux. Pourquoi on manque de thunes? Mais je navigue toujours vers le cap de bonne espérance. Embarqué dans le rap avec mes moussaillons. Sur le haut du mât, notre 369, nous y sommes ici. Les portes du paradis nous sont rarement ouvertes. Donc t'étonne pas qu'on se réfugie en enfer. Le but que l'on visait pour lequel on multiplie les traîtrises envers les règles qui soustraient les distances qui relient nos existences avec le haram qui nous calme au fil du temps sans pour autant qu'on ressente une hostilité qui nous retranscrit mais seulement encrypté et de décoder. J'ai la flemme, il m'engraigne, me sème et sème la haine qui me possède, me perturbe, me pousse à la bavure comme mon crâne charbure. Je ne sais dans quelle scène perdure ce drame m'emmène vers l'infâme. Questionne ma conscience, l'accaparé deux anges essayant de me séduire. Leur couleur me trouble, j'hésite sur quelle choisir, sachant que les deux sont pour, les deux sont pour, les deux sont pour.